Le journal thaïlandais Sinchiam Libaung a inséré la partie 2 pour l'achèvement de l'œuvre socialiste tirée du rapport d'activité du comité central prononcé par le camarade Kim Jong-un au 7e congrès du Parti du Travail de Corée avec sa photo.